Ouais, c'est pour toi la coupe. Ok. Ya, écoute ça, l'amigo. C'est l'heure du 51, à Starman, amigo. On va en boire des tonneaux, c'est à consommer sans modération, comme au bistrot à gogo. Ça paraît, on rit, car. Et ça finit dans le trou du placard. Avec des glaçons, petit chaton, nous boirons jusqu'à qu'on soit rond. Et rigolerons qui seront, c'est son anniversaire, il est hors pair. J'espère que c'est clair, on va pas te la faire à l'envers. Si ça peut te plaire, maintenant il faut se faire à l'idée qu'on va passer une bonne soirée pour la majorité qui seront à cette journée. Cela va pas tarder à chauffer, préparation des boissons alcoolisées. Nous allons faire la tournée, c'est par là que tout commence. Bienvenue au clan de Mafia. Je suis parti sur la route pour mes 28 ans et j'ai défrayé des chroniques. À croiser du destin pour briser la glace, j'ai pris des voltes et maintenant je prends mon envol. Avec des habits où j'ai eu du bol d'être accepté comme je suis. La suite est de mise, souffler, respirer, on m'a souhaité bonne route, pourquoi je savais pas encore. J'ai parcouru le temps après temps, et ça a donné un mouvement, mais t'as cru quoi, que j'allais pas chercher à faire la fête et être glamour. Je t'amènerai partout si cela devient ton vœu, et je te fais un aveu, je reste dispo et sérieux. Je vis sans rien changer, je t'amènerai où tes désirs te porteront. Avec cette musique pour toi, elle comme dans l'air du temps, c'est ma prouesse d'être sensuel. Ok, on garde la prise. C'est parti à l'envers. Yeah, écoute ça. Bienvenue au clan de Mafia, c'est par là que tout commence. Nous allons faire la tournée, préparation de boissons alcoolisées. Cela va pas tarder à chauffer pour la majorité qui ira cette journée. Maintenant il faut se faire l'idée qu'on va passer une bonne soirée. On va pas te la faire à l'envers si ça peut te plaire. J'espère que c'est clair. C'est son anniversaire, il est au pair. Et rigolerons qui seront. Nous boirons jusqu'à qu'on soit rond. Avec des glaçons, petit chaton, ça paraît on rit. Car et ça finit dans le trou du placard. Comme au bistrot à gogo, c'est à consommer sans modération. On va en boire des tonneaux à Starman, amigo. C'est l'heure du 51. Avec cette musique pour toi, elle comme dans l'air du temps, c'est ma prouesse d'être sensuel. Je vis sans rien changer, je t'amènerai où tes désirs te porteront. Je t'amènerai partout si cela devient ton vœu. Et je te fais un aveu, je reste dispo et sérieux. Mais t'as cru quoi, que j'allais pas chercher à faire la fête et être glamour. J'ai parcouru le temps après temps, ça a donné un mouvement. C'est de mise, souffler, respirer, on m'a souhaité de bonne route. Pourquoi je savais pas encore. Et maintenant je prends mon envol, j'avais des amis où j'ai eu du bol d'être accepté comme je suis. La suite, j'ai pris des volts, je suis parti sur la route pour mes 28 ans. Et j'ai défrayé les chroniques à la croisée du destin pour briser la glace.